chemin de non-retour. Avant que je quitte la terre. Avant que je quitte la terre. La durée de mon parcours n'a rien d'extraordinaire. Une fois de plus je m'évade, les écrits remplacent les larmes. 17 piges, j'ai une envie soudaine de prendre le large. Je me rappelle cette première page noircie par les états d'âme. Rien plus de classe. 7 ans plus tard, mon rap est un drame. Je me rappelle aussi des freestyle, Freddy K les petites phases, ATK le crew qui prend du poids. Non, tu te rappelles encore. Mon Dieu, ce que j'ai kiffé l'album. J'ai éprouvé l'envie d'exprimer mon ras-le-bol. Envers la société, envers ceux qui m'opprimaient. Le rap remplace le foot et cette façon inopinée. J'écris constamment au point de non-retour. Perdu, la rue m'engraine. Hip-hop que je me retrouve. Aujourd'hui quand je me retourne, j'en ai le sourire aux lèvres. Ah ouais, j'en ai le sourire aux lèvres. Au point de mon retour. Avant que je quitte la terre. La durée de mon parcours. La durée de mon parcours n'a rien d'extraordinaire. Au point de mon retour. Avant que je quitte la terre. La durée de mon parcours n'a rien d'extraordinaire. Dans les mains j'ai mon avenir, ce qui reste de mes écrits. Les premiers temps inoubliables, comme les pas d'un enfant. Dans l'euphorie je n'ai vu qu'un jeu, qu'un passage d'adolescent. On s'en rendrait compte mais bien trop tard qu'on a le doigt collé là-dessus. On se croit qu'on est dans les moindres détails, mais on nous masque les yeux. Au paradis certains s'inquiètent, mais n'osent même plus dire adieu. Il est tard dans ma vie, mon paradis est un asile. M'accorde le droit d'exil, je me pars de la zone. Sous spray où j'en vois Imed, David, Alexandre et ce vieux Franck Fardica. La main sur le cœur et c'est le vent qui nous écarte. J'ai jamais su le dire, du moins l'écrire sans faire de faute. Aujourd'hui chose faite, j'ai mal dans les côtes. Au point de mon retour. Avant que je quitte la terre. La durée de mon parcours. La durée de mon parcours n'a rien d'extraordinaire. Au point de mon retour. Avant que je quitte la terre. De peur de manquer nos rêves, car la rue est à nos trousses. On a pris le rap à bras le corps. C'est paillette et c'est dire que j'ai jamais vu le décor. Du succès de ses coulisses. Mon parcours n'a rien d'extra. Entre l'angoisse et le stress. J'ai mis un pied dans la presse. Mon cœur dans un douce. La force pour qu'on m'épargne. Dans d'autres choses subtigées. Passer le cap, mais avec certains on n'est jamais quitte. La rancune et ses grands titres. Foutre la couleur sur les traînes. Écrire mon exutoire quand personne veut prendre mes plaintes. Je vous laisse quelques traces si demain je viens à m'éteindre. À défaut de dire très haut ce que certains pensent souligner. Au point de non-retour, j'espère mettre tout le monde d'accord. Au point de non-retour. Avant que je quitte la terre. La durée de mon parcours n'a rien d'extraordinaire. Au point de non-retour. Avant que je quitte la terre. La durée de mon parcours n'a rien d'extraordinaire.